Salut les rôlistes, sachez que vous pourrez retrouver le podcast de cette session vidéo sur Spotify, PodCloud et Google Podcast, et ça une semaine après sa sortie. Voilà, des bisous! Nous sommes le 28e jour de la première lune atteinte sanguine 1031. Il fait une chaleur épouvantable. Sanguine commence enfin à montrer son véritable visage. Teinte la plus chaude de l'année s'accompagne de violentes tempêtes, telles que celle dans laquelle que vous trouvez actuellement. Le vent violent vous frappe la peau au-delà de vos vêtements. Vous êtes tous là, faiblement abrités par une petite structure de métal. Concentré, vous attendez le signal. Une femme sort de la sous-bâtisse. L'auberge que vous connaissez bien dans le quartier de l'arbre. Il s'agit de Yuna Hob, la tenancière de l'auberge. Après quelques minutes à faire la moue, elle se tourne dans votre direction et vous fait signe. Vous pouvez l'apercevoir du coin de l'œil, de l'autre côté de la place, une manche de gendarme dépassée du coin de la rue. Au signal, Hob se tourne et rentre à nouveau dans son bâtiment. Et Hugo se lance. Hugo, tu traverses la place d'un pas décidé. Tu le sais, actuellement, personne n'est témoin de ce qui se passe. Et d'ici quelques minutes, toi et ton équipe auront quitté le quartier sans laisser aucune trace, laissant la suite de l'affaire aux gendarmes. Tu arrives au niveau de l'arbre de métal. Tu sors de ton manteau, une très mince boîte de cuivre. Tu es abrité par quelques ornements de l'arbre qui dépassent, ce qui permettra à la feuille de ne pas s'abîmer à cause de la pluie. Après un dernier regard envers tes collègues, tu sors ton poème de la boîte et l'accroches à l'arbre. Tu le relis une dernière fois, fier de ta production. Lançant pour toi les prémices d'une guerre des idées par l'art que tu es prêt à mener. Une fois la feuille déposée, tu rejoins le reste du QG Indigo. Le temps de traverser une deuxième fois cette place, que tes vêtements sont tous remplis d'eau. Une fois réunis, vous appliquez le plan à la lettre et vous quittez le quartier par le chemin indiqué. Enfin, le peuple aura une contre-voix à écouter. Enfin, cet affront au ministère de la propagande sera résolu. Une fois au QG, après avoir passé l'habituel rituel de se sécher et de se changer par des vêtements d'intérieur, espérant ne pas trop rapidement devoir remettre ceux qui servent à affronter la tempête, vous vous réunissez autour de votre table. Ceci étant fait, en attendant que le poème amène les conséquences voulues, il ne vous reste plus qu'à vous concentrer sur le reste de vos affaires. Quels sont vos plans et que décidez-vous de faire ? Dites-moi, mes chers amis, il est vrai qu'avec mes histoires de famille, je n'ai pas vraiment pu être au fait de ce que vous avez fait pendant mon absence. Du coup, est-ce que vous avez eu des informations importantes ou des choses qui pourraient changer quoi que ce soit ? Il est de retour. Il est de retour ? Exactement. Et à ces mots, j'ouvre la fameuse petite boîte avec le masque de Il Procedimento et la plaque, et je l'amène à Victor. Du coup, je suis... En voyant ça, je deviens un peu blême. Vraiment ? Vous avez reçu ça quand ? Le 23. Et sur la note, c'est écrit quoi ? Eh bien, il est marqué, il vous reste peu de temps, trouvez EB. EB. Bon, je suppose que vous n'avez pas chômé, que vous avez dû chercher cette EB ou cette EB. Exactement, on a passé toute la journée et tout ce qu'il y a eu entre ce moment-là et aujourd'hui à chercher. On n'a rien trouvé, mais il semblerait que ce soit juste parce qu'on est des imbéciles. Parce que vous êtes des imbéciles. Exactement. Nous sommes des imbéciles parce que, une fois rentré chez moi, je me suis quand même permis de réécouter mes petits enregistrements audio. Tous les soirs, je me fais un récapitulatif de la journée. Vous disposez donc d'un sonogramme, vous aussi enfin, ma grave, ma fan, excusez-moi, très cher cardinal, je ne savais pas. Exactement. Oui, je me permets des petites pauses pour écouter les gramophones. Ah, mais c'est là la marque de travail sérieux. Vous en servez-vous aussi pour, je ne sais pas, quelque chose de plus artistique ? Pas pour le moment, en tout cas. Vous devriez, c'est fort, palpitant. En faire moi-même l'expérience. Je vous ai coupé. Excusez-moi, je vous en prie. Très bien. Revenons donc à peine quelques jours en arrière, hein, pas grand-chose. Quelque chose qui aurait pourtant dû nous sauter au visage une fois qu'on a vu EB, parce que c'était quand même assez récent, assez évident. Et pour ainsi dire, on avait même discuté ensemble, et toi-même, Victor, tu m'avais convaincu de ne pas chercher dans cette direction. Il s'agit bien entendu de Elena Baletti. Voilà, donc pour rappel, Elena Baletti, la fameuse ancienne doge. Oui, qui a disparu. Voilà, qui est mourue de maladie suspecte de la même manière que notre chère Maria. Qui était très influente, etc., etc. C'est-à-dire la seule piste qu'on n'a absolument pas fouillée. Et je remercie chacun d'entre vous pour ceci. Disons que il est vrai que on est parti sur d'autres, mais on n'avait pas décidé de ne pas y aller. C'était juste que on avait mis un ordre et il s'avère que. Mais je persiste quand même à dire qu'il y a des connexions entre Zanetti et Baletti. De toute manière, on ne peut pas nier. Donc, enquêter sur Zanetti, c'est aussi enquêter quelque part sur Baletti. Et si. je n'en démordrai pas. Cette fois-ci, je perds le nord, mais mon petit Corninov. Tu n'auras pas le dernier mot. Je persiste. Bon, si j'aurai pas le dernier mot, alors il procedimento le rat, il vient de nous dire trouver Elena Baletti. Ok, mais alors comment trouver facile. Elena Baletti? On va chez elle, enfin la maison de sa famille. C'est un début. Elle ressemblait à quoi déjà? Je crois, il me semble qu'on en avait une description physique. On a eu? Est-ce que quelqu'un. Peut-être une plaque. Je m'en souviens plus. Laissez-moi consulter une plaque, très chère. Esther. Allez-y, prenez votre temps, Hugo. Je crois pas qu'on en ait. Non, ça ne me saute pas aux yeux. Dommage. Qui sait peut-être si El Procedimento nous demande de la retrouver, c'est qu'elle est toujours ici sous nos yeux, sous une autre identité ou autre. De souvenir, est-ce que on sait si le corps de Elena Baletti a été a disparu ou si elle a été jetée dans les crimes ou enterrée ou que sais-je, j'en sais rien. Normalement, j'ai plus souvenir. Il me semble qu'elle avait tout simplement disparu. Alors, je sais que son le légiste avait, enfin le médecin avait disparu, mais elle, je sais pas justement. Oui. Elle a subi le même traitement que Maria. Donc elle serait, on l'aurait jeté dans les cadavres. Le corps est plus sans qu'on puisse l'autopsier ni quoi que ce soit, si j'ai bien compris, ou en tout cas plus que mesure. Et du coup, peut-être que tout comme. Alors c'est une théorie qui se base sur rien, donc il faut absolument pas la prendre au sérieux. Je la donne dans le vent au cas où plus tard on ait des éléments qui équivalent avec ça. Mais peut-être elle est-il la rapide disparition des corps est en fait liée à une histoire de feinter la mort pour une raison X ou Y. Peut-être. Ou alors il procedimento veut qu'on trouve un cadavre qui a été jeté dans les crimes il y a je sais plus combien d'années. Ou alors il veut qu'on le retrouve lui-même. Ce serait... C'est-à-dire alors... Elena Valetti. J'aimerais faire appel à mon savoir, appeler la conteuse, pour me rappeler ce que fait un doge. Oui, tout à fait. Ça, c'est... Je peux intervenir là-dessus. Alors, un doge, c'est quoi ? Les doges. C'est tout simplement en fait ceux qui dirigent Venise, puisque Venise, contrairement à toutes les autres cités, a un système qui est aristocratique, et donc en fait le doge c'est simplement le maître d'une loge. Donc il y en a quatre, il y a la glyphe, il y a la note, il y a deux autres que j'ai la flemme, mais en gros il y a l'écriture, il y a la musique, les arts visuels et tout ça. Je les ai pas toutes en tête là. Mais c'est pas très important. En fait, c'est juste que tous les 5 ans, si je dis pas de bêtises, je vais quand même. Ah oui, c'est note, mesure, glyphe et lettres. Et si je dis pas de bêtises, c'est tous les 5 ans où en fait, il y a un conseil qui se réunit pour élire les doges de chacune de ces loges, donc loges artistiques. Et en fait, les doges deviennent tout simplement les aristocrates de Venise, et c'est eux qui dirigent la ville, simplement. Est-ce que vous avez regardé le masque, s'il n'y avait pas quelque chose dessus ou pas? Ou est-ce que vous l'avez étudié de près? Oui, on l'a étudié et on a été voir une connaissance à moi qui est spécialiste en costume. Et okay. Tout ce qu'elle a pu en retirer, c'est que c'était un masque très très bien fait, hein, comme tout ce que le procedimento fait, a priori. Mis à part que les parties en métal du masque, qui, elle a dit, étaient de fabrique assez commune. Et non pas sophistiqué comme on connaît notre monsieur. D'accord. Et c'est tout ce qu'on en avait. Il est peut-être un peu hâtif de parler d'un monsieur dans le cadre des procédimentos, même si je sais que Kornilov, vous avez une théorie déjà bien en fait là-dessus. Pourrions non plus parler d'une chose, comme nous l'a décrit, comme nous l'a suggéré notre supérieur. Alcéo. C'est bien possible aussi. Donc, ce que je propose, honnêtement, c'est déjà d'aller voir la famille Baletti, ce qui en reste en tout cas, parce que je ne sais pas dans quel état c'est. Et pourquoi pas aussi de se renseigner sur les différents postes que Baletti a eu le long de sa longue vie de carriériste, de ce qu'on en sait, vu qu'elle a multiplié les postes par-ci par-là pour rester dans les hautes sphères. C'est tout un profil, toute une nouvelle personnalité que nous devons apprendre à connaître. C'est vrai. Aussi, même si nous l'avons déjà fait, je suggère que nous mettions à la gêne les personnels des morgues de Venise et que peut-être que certains d'entre eux, ça semble bien étrange, je pense qu'il y a une intervention venant de plus haut, mais peut-être pas. Peut-être que tout simplement... le petit personnel se rebecque et je ne sais pas, et souhaite cacher des choses. En tout cas, peut-être moult investigations dans la morgue de Venise, concernant toutes ces disparitions si rapides de cadavres, me semble peut-être une piste à étudier. En effet, je rappelle cependant qu'on a. Je ne suis pas contre, mais je rappelle juste qu'on avait déjà parlé avec des légistes a priori, dont monsieur Roman Gusso. Non, ça c'est le légiste des métropolites. Enfin oui. Il nous en avait parlé, il avait dit qu'il se mettait un peu à la re... il se mettait pour nous à la recherche du légiste qui s'était occupé du corps de Maria. Voilà. Donc on a déjà des mains parmi les légistes qui sont en train de travailler pour nous. Parce que je pense que nos recherches peuvent passer par deux pistes. La piste du légiste et la piste de la famille Baletti. Il faudrait peut-être aller voir la famille en priorité, selon moi. Oui. Ok. Bah, du coup, est-ce qu'on sait où trouver ce qui reste de la famille Baletti, ou il faut que on aille se renseigner chez nos supérieurs, ou qu'on demande à Kornilov de faire appel à sa partie obscure de la force qui rechercherait les choses pour nous? Je n'ai aucune partie obscure de la force, je suis parfaitement honnête sur tous les aspects de ma vie. Non, mais c'est pas toi, c'est pas toi en fait, c'est tes camarades qui sont côté... Je ne vois pas ce dont vous parlez. Et maintenant, la famille Baletti étant une famille a priori qui est quand même assez connue dans l'histoire de la ville, ça ne doit pas être très difficile de trouver ça rapidement, sans avoir à passer par des supérieurs que ce soit. On doit bien connaître un peu. Tout à fait. Tout à fait. Exactement comme vient de dire Kornilov, ça reste quand même une famille qui a eu un certain poids, donc vous savez déjà vers où chercher. Et même si vous n'avez pas l'adresse là, en fait, il vous saura faire un petit détour de 5 minutes sur votre trajet pour demander à quelqu'un et qui vous renseigne très rapidement. Donc, vous allez pouvoir quitter ce QG dans le but d'aller chercher du coup le... ce qui reste de la maison Baletti. Vous prenez donc vos vélos et vous dirigez du coup vers la demeure Baletti. Alors, comme dit, vous devrez faire un petit crochet de 5 minutes pour aller demander à l'une des personnes, n'importe quelle métropolite, etc., où se trouve exactement la demeure Baletti, et très rapidement, quelqu'un qui est capable de vous répondre. Vous vous rendez là-bas. La maison Baletti se situe... Encore une fois, là où se situe finalement énormément de ce genre de maison, c'est là où vous avez connu la fameuse maison d'Alatilio, votre toute première enquête de l'atteinte sans mine. Et on va dire dans ce quartier-là, donc le quartier central, hein, encore une fois, là où se trouvent finalement tous les regroupements en fait de Venise, bah, c'est un peu l'inverse, si vous voulez, que j'y vis d'habitude, mais au moins c'est grave. Nous, aujourd'hui, les centres-villes sont surtout des centres où on va trouver énormément de commerce, etc. Dans les crimes, c'est tout l'inverse, encore une fois, les artisans sont tous réunis en savoir dans des quartiers spécifiques, et en fait, le centre est souvent quelque chose d'assez bourgeois, en fait. Des maisons, des résidences, des trucs comme ça. Bref, c'est juste un petit truc d'urbanisme. Et... soit. Vous arrivez, du coup... la fameuse maison de Baletti. La maison est beaucoup plus classique que la maison des Attilio, qui sortait vraiment du lot avec un grand terrain qui était tout au sommet d'une petite colline. Là, pour le coup, on est vraiment dans les constructions, malgré tout, classiques pour la ville de Venise, où il y a vraiment une énorme structure de métal qui est entourée par d'autres, et la maison Baletti est malgré tout séparée. On sait que c'est elle bâtie. Bon, mais voilà, on est quand même dans une haute société qui reste quand même malgré tout un peu moins au-dessus de tout comme la famille d'Alatillo pour comparer avec ce que vous connaissez. Bref, vous déposez vos vélos, vous les pliez en deux, je crois que ça n'a pas encore été créé. Vous les pliez pas, vous les rongez tout simplement. Et non, mais pour moi, Esther avait déjà boosté encore les vélos, mais pas encore. Un jour, on fera les rangements pliables. bref, tout ça pour dire que, ouais, c'est possible, je crois que c'est mon fauteuil qui grince. Et comme je tourne sur le côté, mais je vais bouger l'ordi pour éviter que ça le refasse trop à l'avenir, je finis juste ce passage-là. Ah, toi, attention. La mort peut venir à tout instant sur les crimes. Bref, vous arrivez du coup devant cette grande demeure, et tout simplement, bah, l'un d'entre vous va pouvoir se saisir du rectoire et signaler votre présence. Moi, je regarde Kornilov et je lui présente le heurtoir. Que finalement, c'est toi qui nous emmène voir Manetti, donc à toi l'honneur. Oui, c'est mon enquête. Du coup, j'utilise le heurtoir 2-3 fois de manière décidée. Ok. Tu toques. Et au bout de bien 2 minutes, c'est assez long, la porte finit enfin par s'ouvrir, tu as dû d'ailleurs retoquer entre temps, et face à toi se dévoile une vieille femme, la peau extrêmement ridée, les cheveux très gris, rien qu'à son physique tu sais qu'elle a déjà dépassé la soixantaine et qu'elle a d'ailleurs un très bon âge, une très belle forme pour son âge. Elle est toute courbée. De sa petite voix, vous lance un « Oui ?» Bonjour, vous êtes ? Oh, d'habitude, les gens savent. Je suis Madame Belinda Baletti. Il me semble que vous savez où vous venez de toquer. Pardonnez l'impolitesse de mon collègue. Madame Baleati, nous nous présentons, nous sommes métropolites et nous souhaiterions vous poser quelques questions si vous vouliez bien nous laisser entrer dans votre demeure. C'est très bien que tu prennes la parole, Manon Hugo, parce que toi, le nom de Belinda Baleati, c'est un nom que tu connais. Puisque, en fait, Belinda Baletti, c'est une musicienne ayant énormément de renommée à Venise, et même d'ailleurs ailleurs sur la toile. Elle orchestre, elle écrit des morceaux, et tout simplement, c'est une artiste qui a vraiment énormément de renommée à Venise, et ce qui explique un peu peut-être la carrière du coup d'Elena. Du coup, de toi, quand tu entends ce nom, tu sais directement à qui tu as affaire, contrairement à tes amis qui ont peut-être moindre culture artistique qui t'intéresse. Si tu veux dire quelque chose ? Rien de plus, c'était une petite question. Du coup, notre très chère Elena, j'imagine qu'elle était doge de la loge de la... Enfin, doge de la loge. Qu'elle était de la loge de la note. À vrai dire, tu te souviens vaguement qu'on t'avait dit quelque chose là-dessus, on t'en avait parlé, on vous a parlé 2-3 fois hein, d'Elena Baletti, mais là tout de suite tu te souviens plus dans quelle loge, mais ça semble être logique, oui, qu'elle a été en lien avec le Doge de la Note. Mais il y a peut-être un peu plus. Bref, suite aux invitations de d'Hugo, vous voyez que elle porte un énorme sourire, et fait « Oh, bien entendu, rentrez !» Et se tourne, vous laissant rentrer, tout simplement. Vous pénétrez dans sa demeure, et vous êtes encore une fois face, pour le coup, comme dans la famille Alceo, à un petit... Alceo, pas du tout, Alceo c'est quelqu'un d'autre, pardon, Attilio, face à un petit décalage, puisque des murs, tout simplement, forment des pièces, et encore une fois, je rappelle que dans les crimes, ce sont des draps, ce sont des... On met du tissu pour séparer les pièces, ça fait moins de matériaux et que c'est tout aussi vivable. Mais voilà, il y a des gens qui ont les moyens d'avoir des vraies pièces avec des vrais murs. Et pour le coup, vous êtes dans ce genre de demeure. Donc à chaque fois que vous rentrez dans ce genre de maison, il y a un petit décalage qui se fait où vous n'êtes pas forcément habitué. Il faut passer par des portes pour passer d'une pièce à l'autre. On ne peut pas juste pousser le drap et rentrer. Et puis, il y a vraiment un découpage. Alors, ça change un peu de vos habitudes. Et vous voyez qu'elle vous mène vers un petit salon. Un salon avec une énorme baie vitrée qui mène sur un petit jardin privatif, un jardin d'intérieur couvert une serre dans laquelle sont poussés plusieurs légumes. Elle s'assoit là et au moment qu'elle s'assoit, vous demande à peu près à tous, souhaitez-vous quelque chose pour vous substanter De l'eau. Oh oui, nous vous remercions de votre libéralité, madame. Nous nous contenterons d'un gobelet d'eau, si vous voulez. Pour ma part, également, je prendrai un petit verre de cristalline, s'il vous plaît. Oh, quoique, après réflexion, je prendrai bien une morose, si vous avez. Mais vous ne voulez pas un peu de café? J'ai mon... je viens d'avoir mon arrivée. Ça serait un plaisir de partager avec vous. Oh mais quel libéralisme, nous. Nous ne voudrions pas vous spoiler de votre... Spolier, tu veux dire? Oui. Bah oui. Spoiler, tu vas pas nous spoiler le café, mon ami. Spoiler, c'est ta mère. Mais oui, tout à fait. Hugo a raison. Je pense que je me laisserai bien tenter par du café, car effectivement, nous n'avons pas toujours l'occasion de pouvoir goûter à ce breuvage fort délicat. Avec plaisir. Je vois que, à ces mots, elle saisit sur une petite table de fer qui est à côté d'elle une petite cloche et la fait sonner. Elle vous invite à vous asseoir sur les autres chaises qui sont dans le salon. Et au bout de quelques secondes, débarque une jeune femme. Et la grand-mère, simplement, se tourne vers elle. Delia, peux-tu apporter à nos invités une petite tasse de café? Ce sont des métropolites en fonction. Nous devons les recevoir comme il se doit. Vous voyez que la jeune femme qui a... vous direz facilement la vingtaine, a l'air à peine plus jeune que Esther, pousse un énorme soupir et vous salue que, tout de même comme il se doit et se dirige du coup en dehors du petit salon. Mm-hmm. Vous êtes assis et la grand-mère vous regarde, elle a cet énorme sourire vraiment qui est constant sur son visage depuis que vous êtes entré chez elle et finit par demander « Bien, que me vaut votre visite ?» Loin de nous être attirés, nous sommes ici présents, malheureusement, pour vous poser quelques questions, si vous le voulez bien, au sujet de Elena. Ma foi, je veux bien... Il répond du mieux que je peux. Mes plusieurs collègues, peut-être. Là, je regarde Kornilov. Pouvez-vous nous rappeler les éléments qui se sont passés avant, pendant et après sa disparition? Vous avez sans doute fait cela des centaines de fois, mais je pense que ce serait bien. Enfin, nous pensons qu'il serait bien de récapituler tout cela une dernière fois. Quels que soient les détails, n'hésitez pas. Tout peut être intéressant. Oui, avec plaisir. À vrai dire, je ne l'ai pas tant fait que ça. Il y a d'abord, je ne suis que sa grand-mère, c'est surtout son père qui a été moult fois interrogé. Et pour être honnête, pendant très peu de temps, ça m'a même étonné, mais très rapidement, les choses étaient passées. On avait déclaré qu'il n'y avait rien de plus étrange que ça, d'autant plus que elle n'a pas vraiment disparu, elle a été incinérée. Et lors de son décès, quelques doutes ont été émis, mais rapidement, il a été convenu que c'était quelque chose de, ma foi, normal que les quelques éléments soupçonneux n'étaient pas assez importants pour demander une enquête plus approfondie. À vrai dire, ce qui s'était passé, c'est que ma pauvre Elena est tombée malade quelques lunes auparavant. Elle avait attrapé une phtisie, alors elle s'est renfermée. Le problème, c'est que vous connaissez, ayant la responsabilité qu'elle avait, elle était obligée d'avoir quand même une certaine présence pour la ville. Mais elle avait fait le choix, du moins durant les dernières semaines, de s'isoler et de affronter la maladie comme elle le pouvait. À vrai dire, même nous, sa famille, avait du mal à la voir. Il me semble que seul son majordome, qui aujourd'hui ne travaille plus pour nous, était en contact avec elle pour tout simplement s'occuper de ses soins, s'occuper d'elle alors qu'elle s'affaiblissait. Mais sinon... Non. Laissez-moi réfléchir. Je m'en souviens plus. Je dois avouer que je n'ai pas toute ma tête. Vous aurez rapidement réponse lorsque vous parlerez avec un autre membre de la famille. Son père, enfin mon fils, du coup, s'en souviendra bien mieux que moi. Je suis un peu moins, vous savez, avec l'âge, des détails commencent à me sortir, et comme ça remonte à quelques années, je ne connaissais pas plus que ça. Vous savez, moi, j'ai toujours évolué sans homme de maison. C'était un choix d'Elena, d'en avoir un, et du coup, je n'avais pas... Je suis que très rarement rentré en contact avec ce monsieur. Et à part lui, nul secrétaire ne l'a accompagné dans son supplice ou... C'était son seul contact avec le monde extérieur. Dans les dernières semaines, oui. Elle s'était, comme je l'ai dit, vraiment renfermée. Elle avait, dans les dernières lunes, un emploi du temps de plus en plus restreint, où elle sortait de moins en moins, et quand elle sortait, c'était vraiment pour une mission définie, et après, elle revenait chez elle. Et voilà comment un peu ça s'est déroulé. Elle a fini par juste être avec ce majordome, qui l'a vu mourir à petit feu, qui s'est occupé de simplement du médecin qui s'est occupé d'elle, et ainsi de suite. Donc vous ne l'avez pas vu dépérir? Non, malheureusement. Nous avons aimé être à ses côtés, mais vraiment, sur les derniers instants, même nous avons... Nous ne pouvons plus rentrer en contact avec elle. C'est vrai que c'est, somme toute, assez surprenant. Donc vous dites que si on veut plus d'informations, il faudrait demander à son père, c'est ça? Tout à fait, son père, qui est ici même, je dirais de vous le chercher si vous souhaitez, un peu mieux. Connu son majordome, mais moi je n'ai pas point connu, mais en dehors de ça, les informations seront ressemblantes. Nous avons tous eu des contacts de plus en plus rares avec Elena dans ces derniers instants. D'ailleurs, vous avez mentionné que il y avait eu des irrégularités, des choses qui étaient un peu inhabituelles, mais que très vite on a laissé ça de côté. Souvenez-vous de ce que c'était ou pas du tout? Oui. Son père en parlera mieux que moi, mais ce qui est sûr, c'est que il y avait quelque chose qui laissait un peu douter, et notamment le fait que son corps a été si rapidement incinéré. Il a été incinéré, et ce, sans aucune autorisation familiale. Alors, si nous comprenons l'idée de ne pas conserver plus longtemps que ça un corps atteint d'une maladie qui peut être transmise, nous comprenons parfaitement l'idée derrière ça. La plupart du temps, il y a tout de même un temps qui est laissé à la famille de faire le deuil, de choisir la méthode pour s'occuper du corps, l'incinération n'étant pas du tout obligatoire. Par chance, ça correspondait au moins à ce que nous voulions pour Elena, mais nous n'avons jamais été contactés par rapport à ça. Et, nous avons voulu en discuter avec le médecin et impossible de retrouver la main dessus. En plus, le pauvre majordome travaillant pour Elena avant tout est venu travailler quelque temps ici à la maison Baletti, mais a très rapidement pris sa retraite, perdant tout simplement la personne qui devait servir. Hein, donc, il y avait vraiment plein de petits éléments comme ça, notamment au côté du médecin, au côté du même du fait que nous ne pouvons pas l'avoir, alors que je sais que mon fils en était attristé au plus haut point de ne pas pouvoir voir sa fille, la sachant souffrante. Et, c'est là-dessus qu'il y a eu plein d'interrogations. Ouais. Effectivement, c'est fort surprenant. Du coup, serait-il possible de parler au père? Tout à fait. Je m'en vais le chercher et je vais sonner vis-à-vis de ce café qui tarde trop à mon goût. Vous voyez qu'elle se lève et que de ses pas un peu lents et faibles, elle se dirige en dehors du petit salon où vous laissant seul. Est-ce que comment vous réagissez? Est-ce que vous faites quelque chose pendant son absence? Est-ce que vous discutez entre vous? Enfin, dites-moi tout. Moi, je discute avec Cornilo. Enfin, du moins, je le regarde. Je dis, mais encore une disparition assez rapide d'une phthisie qui a l'air d'être aussi incroyable que celle de Maria. Exact. Et incinéré, qui n'est au final qu'être jeté dans les crimes, mais pour les riches. C'est ça. Donc, que de similitudes. Une question me vient en tête avec une grand-mère toujours en vie. Je dois avouer que à sa réputation, je pensais qu'Elena aurait dû être une femme plus âgée avant de mourir. Alors qu'elle était jeune alors. Plutôt oui. Je suis le seul qui me déteste. Pas aussi jeune, enfin de ce que tu comprends, en tout cas, c'est pas aussi jeune que Esther non plus. Mais effectivement, elle semblait plutôt jeune, tu me mettrais facilement, tu penses, ouais, dans la trentaine. Ok. Ouais. Aujourd'hui, elle aurait cet âge-là. Aujourd'hui, je pense qu'elle aurait dépassé la quarantaine, je sais plus. Ouais, donc elle serait dans les cinquantaines. Elle serait proche, non, de la quarantaine, ou alors elle aurait dépassé il y a peu. D'accord. Okay. Je te dis ça dès que j'ai l'info officielle sous les yeux. Quelqu'un qui n'a donc pas chômé, parce qu'on parlait déjà d'une carriériste. Donc quelqu'un qui avait déjà eu plusieurs postes. C'est quand même pas mal. Ouais. Au bout de quelques instants, vous voyez la jeune femme qui était venue arriver avec un plateau et vous déposer les cafés devant vous. Elle vous salue par pure cordialité et vous prenez directement congé sans vouloir rester plus en contact avec vous. Et quelques instants après, sauf si vous voulez rediscuter d'un truc pendant la petite absence, dites-moi si c'est le cas. Ouais. Attends, il y a un truc qui m'est venu en tête, mais je sais pas si c'est roleplay ou pas. Ouais, donc on va dire... j'observe quand même cette fameuse Dahlia, si j'ai bien entendu son nom. Non, Dahlia, Dahlia, c'est la fille. Dahlia, c'est la servante, c'est ça? Ouais, ouais. J'observe un peu quand même, parce que je dois avouer que ça m'a paru bizarre qu'à l'arrivée, quand on lui donne un ordre, elle qui est censée être a priori une servante, c'est qu'elle pouffe un peu, enfin qu'elle... Genre qu'elle apprécie pas qu'on lui donne des ordres de nous servir. Ça me paraît un peu bizarre pour une servante d'une famille aussi avancée. Donc je l'observe quand même du coin de l'œil. Mais voilà. Ce que tu remarques déjà en t'intéressant un peu plus à elle, c'est mis à part son côté un peu désinvolte et très jeune du coup. Parce qu'encore une fois, elle est plus jeune qu'Esther, hein, ce qui est la plus jeune de votre équipe. Si je ne dis pas de bêtises. C'est surtout qu'elle a des vêtements qui n'est pas qui ne fait pas femme de maison. Elle a une très jolie robe pour le coup que porte très facilement la haute bourgeoisie. Donc ce ne serait pas une servante alors. Ok. Ça pourrait être la petite fille de la dame. Bien, bah, une fois qu'elle a quitté la pièce et qu'on commence à goûter un peu notre café, sûrement la première fois que je prends du café, peut-être la deuxième, je ne sais plus exactement si on l'avait déjà fait, je vais directement demander hein, Delia, c'est votre servante. La grand-mère est partie chercher le père. Ah, elle n'est pas revenue après Non, j'ai mais le père arrive. Ok, j'avais fait. Justement, je me demandais si vous voulez discuter d'un truc pendant que le père arrive. C'est bon pour moi. Ok. Mais du coup, tu pourras lui poser la question quand il est officiellement là, et ça tombe bien parce qu'il est là. Il débarque en chambre, vous voyez arriver un homme d'une cinquantaine d'années. Et vous le voyez qui a un peu directement fait dans son physique quelque chose un peu de double. De dualité un peu étrange entre un côté très très noble, très bourgeois, très très haute. Il a vraiment une stature très droite, les cheveux très bien coiffés, etc. Et pourtant une barbe de rue vraiment très peu taillée, etc. Quelque chose qui ressort un peu, qui fait un peu plus simplement homme, un peu plus négligé, et ce qui détonne immédiatement avec sa carrure. Il arrive et s'assoit sur le fauteuil où était assis la grand-mère quelques instants plus tard. Croise les jambes, se saisit du café et tout simplement se met à votre disposition. Bonjour, messieurs, dames, puis-je faire quelque chose pour vous? Bonjour, monsieur Baletti. Bonjour. Eh bien, oui, effectivement, vous pouvez faire quelque chose pour nous. Nous avons entrepris de nous réintéresser à une affaire qui a touché votre famille, malheureusement. Le décès de votre fille, Elena. Et nous avions du coup quelques questions à poser. Nous avons profité d'en parler un peu avec votre mère, mais qui nous a conseillé d'en parler avec vous, car elle ne se souvient pas de tout avec son âge avancé. Oui, et c'est une merveilleuse femme, et malheureusement, là, je commence à la gagner. Oui. Et du coup, nous allons commencer par la question du fait que votre mère nous a dit qu'elle était très proche de son majordome, qui l'a suivi et qui l'a soigné. Pendant sa fin de vie, sauriez-vous nous donner son nom, s'il vous plaît? Pendant qu'il boit de la cristalline. Non, il boit du café. Une fois qu'il pose sa petite tasse de café, tout simplement opine de la tête. Tout à fait. Il s'agit de monsieur Baudard. C'était son majordome. Nous l'avons choisi ensemble à l'époque. Baudard. Baudard qui? Son prénom. Il faut que ça me revienne. Vous savez, ce n'était pas dans nos habitudes d'appeler les gens par leur prénom. Effectivement. Évidemment. C'était un prénom très... très... parisien, je n'ai plus le nom en tête, quelque chose comme Albert, je crois, mais je ne saurais dire à 100% si c'était bel et bien son prénom. Je suis désolé, nous l'appelons toujours Monsieur Baudard. Ok. Et vous savez où il serait aujourd'hui ou pas? Monsieur Baudard a pris sa retraite plus ou moins une année après la disparition d'Elena. Et ma foi, je sais qu'il est parti. Il a peut-être trouvé un nouveau maître. Je n'en suis pas sûr. Des rumeurs s'étaient fait entendre qu'il avait rejoint une maison nobilaire, mais j'en ai jamais eu confirmation et je ne sais pas exactement de qui il s'agit. D'accord. Donc il aurait rejoint une maison. D'accord. Alors, du coup, vous-même, vous n'avez pas pu voir votre fille jusqu'à son décès, et même après. Non, enfin... C'est compliqué, c'est-à-dire que... il y a eu quelques lunes qui se sont déroulées entre la déclaration de la maladie et sa disparition. Mmh. Et dans ces quelques lunes, au départ, tout était pour le mieux. Oui, bah, c'est dans les premières lunes, ça a été... elle s'isolait du monde, mais nous, on pouvait toujours la voir. Et le plus compliqué était la toute dernière lune où nous avions eu interdiction d'approcher. Interdiction, mais qui vous a interdit de voir votre fille? Je ne saurais dire d'où ça venait, de son médecin. Mais est-ce que c'est son médecin qui l'a vraiment ordonné? Est-ce que ça a été amélioré? Enfin, agrandi, hyperbolé par ma fille, par son majordome, Monsieur Baudard, je ne sais pas, mais ça venait en tout cas de l'intérieur et on devait, pour son soin à elle, ne pas approcher. Je regarde les autres, voir s'ils ont des questions. J'aurais des questions sur le parcours professionnel de votre fille. Elle a été connue pour avoir été par-ci par-là professionnellement et avoir toujours pu trouver les bonnes places. Est-ce que vous savez, oui, nous éclaircir un peu plus. Tout à fait. Oui, car le cursus norum d'un tel. Tout à fait. Et très sûrement pleine de malice et d'autres comment dire, pas de malice, excusez-moi, mais c'est un beau parcours. Oui, mais le parcours de ma fille est exemplaire et malheureusement on peut dire que n'a pas réussi à donner l'exemple au sud de la famille, mais comment dire, Elena s'est directement intéressée à de multiples arts. Elle a tenu de moi, de ma mère, de ma femme aussi. Elle excellait pratiquement dans tout ce qu'elle faisait et très rapidement elle a su se trouver une place dans les loges et vous savez que ma fille, grand bonheur pour la famille, a été la seule personne à ce jour qui a été maître de doge, de deux doges différentes. Puisqu'elle a été maître de la glyphe pour son premier mandat, et comme nous ne sommes pas censés pouvoir enchaîner, elle a été élue juste après, du coup, maître de la doge de Hanot. Malheureusement, ça a été son dernier mandat, mais ce sont par des conséquences, des conséquences qui dépassent, des circonstances qui dépassent la politique. Je pensais qu'elle aurait pu être élue doge de la loge de la note, puis de la mesure, puis la glyphe, de la lettre. Évidemment, là, j'ai tout fait. Non, je ne pense pas. Je pense qu'elle aura tout simplement été retournée dans la loge à glyphe une fois son mandat à la note terminé. Elle n'avait pas tant d'intérêt que ça pour le masque, pour le théâtre. Elle aimait ça, mais elle n'y était pas particulièrement douée, donc elle n'avait pas de place dans la loge en tant que telle, donc elle ne pouvait pas s'y trouver en loge. Mais c'est déjà incroyable d'avoir enchaîné deux mandats dans l'artistocratie actuelle, donc je pense que trois... elle aurait pu le faire, elle avait un caractère incroyable, mais peut-être que ce n'est qu'illusion. Dites-moi, j'ai une question complètement... juste aucun rapport, mais... Était-elle mélomane ? Oh oui, bah bien sûr. Ça vous a rencontré ma mère. Vous savez que la musique coule dans ses veines, et elle a parfaitement transmis ça à chacun des membres de la famille. Toute la lignée... Elle jouait un peu de tout, elle aimait énormément les instruments à cordes, hein, mais s'en sortait très bien sur d'autres types d'instruments. Quels étaient ces morceaux ou musiques favorites ? Alors, il y en a plein. Tu vois qu'il te cite 3-4 titres dont je n'ai pas là tout de suite en tête des références, mais il te cite 3-4 titres très classiques. Un peu de musique de chant, un peu de trucs un peu plus épiques. Donc, quand même des titres très variés, mais beaucoup de violons, d'instruments à cordes et d'autres types de musique du genre. Mm-hmm. Donc, là, il nous dit que des trucs très, quand même très mainstream. Il ne nous parle pas, par exemple, de la fameuse technique Codatula. Alors. Tu poses une excellente question, parce que malgré tout, c'est pas que du mainstream. Alors, il parle pas de cette technique-là, précisément, mais dans les titres, même si c'est des titres assez populaires, il y a beaucoup de... En fait, c'est 50-50, il y a des titres qui font partie de la contre-école, qui font partie de ceux qui sont pas admis par les élites. Et si tu lui demandes, il te dira qu'elle était très friande aussi de ces propositions-là artistiques, elle a été très touchée par ça. Durant sa vie. Et autre question, était-elle versée du coup dans la prose? Est-ce qu'elle vous a déjà fait écrit quelques vers, des choses qui pour enjouer l'esprit? C'est plus compliqué. Alors oui, évidemment. Comme dit, elle s'épanouissait dans tous les arts. Mais la lettre et le masque sont des domaines où elle excellait moins. Maintenant, oui, je dois avouer qu'elle avait quand même un certain talent de prose. C'est ma fille, je ne suis peut-être pas objectif, je dois l'avouer, mais moi, j'aimais énormément ce qu'elle pouvait écrire. Elle peignait aussi, tout comme moi. Je suis professeur en peinture et je dois admettre être très fier aussi de ce que je lui ai transmis. La prose venait de sa mère. Donc, on peut dire que c'était une femme très, très complète, qui était pluridisciplinaire. C'est un peu la fierté Baletti, vous savez, c'est aussi mon cas, je joue de la musique en plus d'être professeur en peinture, c'est le cas de mes trois autres enfants, qui tous, du moins d'entre eux, s'épanouissent dans leur domaine artistique. Normalement la plus grande à l'heure actuelle, la petite sœur d'Elena qui est devenue avocate dualiste entre-temps, mais... Tout le monde ne veut pas marcher que dans l'art, mais tout le reste de la famille, en tout cas, est pluridisciplinaire et Je suis très honoré que vous le remarquiez juste avec une discussion, parce que c'est un point d'honneur pour la famille. D'ailleurs, la jeune fille que nous avons croisée tout à l'heure, est-elle fait partie de la famille? Delia, Delia, je crois, ou Delia? Oui, Delia est ma fille, oui. D'accord. C'est l'enfant cadet, c'est la plus de toutes. Elle est musicienne à l'université, à l'heure actuelle. Ok. Sinon, avez-vous d'autres questions? Je vais juste terminer, moi, ce sera ma dernière question. Avez-vous noté, avant que elle tombe malade, si, avec ses affaires, il y avait des points de tension avec certaines personnes ou des soucis particuliers? Ma foi, oui. Des points de tension quand vous êtes doge de la ville, je pense que ça fait partie même du métier. Vous savez, lorsqu'on doit diriger tout simplement une ville, hein, ça demande énormément. Et encore, vous savez, à l'époque où Elena n'était pas là, le ministère de la Propagande n'était même pas installé en ville, et encore moins le ministère de la Guerre, parce que c'est grâce à elle, hein, que vous êtes là aujourd'hui. Et je suis heureux de voir que vous fonctionnez particulièrement. Et d'ailleurs, des sujets de tension qui étaient un des plus présents. Hein. Vous avez une énorme lutte politique pour faire entrer à Venise, parce que Venise se basait uniquement sur son aristocratie. Et certains pensaient que avoir de l'aide, comme se passe en Antipoli, en Pantapoli, ce genre d'empire où une bureaucratie plus importante, et notamment des ministères, hein, certains pensaient que installer des ministères aiderait, bien que vous n'avez pas la même force de frappe, hein, évidemment, que en Pantapoli ou en Antipoli. Il faut admettre que on se posait la question de sa présence, et ça a été un des plus gros friction qu'on ait connue dans ces décennies, de savoir si oui ou non il fallait accepter la présence du ministère. Et Elena était tout simplement la leaduse du mouvement qui était pour votre présence, qui était pour une installation d'un ministère, mais probablement de la guerre. Alors, on n'a pas réussi d'avoir la subsistance, mais ma foi, on peut dire que les plus importants sont déjà là. Elle était donc visionnaire. Oui, il n'est pas de douter qu'elle rentrera dans l'histoire de la cité. Ah, je sais bien, nous lui devons beaucoup à ma fille. Mais je regarde les autres. Moi, j'avoue que j'ai plus de trop de questions. Je regarde Kornilov. Je suis en train de le triturer sa pipe. Qui est éteinte, mais il ne l'a pas vue. Et bien, je dois avouer que je n'ai pas spécialement de questions particulières, si mes camarades en ont, enfin mes collègues, pas mes camarades. Personnellement. Est-ce que par tout hasard, vous auriez déjà vu ce masque? Non, j'ouvre seulement la boîte parce que je me balade avec. Et juste si ça lui dit quelque chose. Il le met a priori. Son... tu vois que tu sors la boîte, tu sors du coup le masque et tu vois réfléchir. Je ne sais pas. Non, ça me dit rien, mais. Sa forme me rappelle peut-être vaguement quelque chose, oui. Je l'ai peut-être déjà vu. Peut-être une pièce de théâtre, je ne sais pas. Est-ce que ce ne serait pas trop vous demander d'essayer de trouver dans votre mémoire d'où cela vient? Je vais réfléchir. Honnêtement, pour l'instant, c'est très très lointain comme image. Et encore, il n'était pas exactement comme ça. Il savait plus décoration, plus là le masque. C'est en fait moins de métal peut-être. Mais non, pas de métal. C'est surtout comme si en fait on avait retiré tous les éléments qui étaient sur le masque pour l'épurer, le rendre moins visible. J'ai souvenir en fait dans mon enfance d'une pièce avec un masque comme ça, avec un crâne visible et énormément d'ornements, mais c'est le seul point commun finalement, c'est le crâne, c'est ça qui m'y fait penser. Je suis pas sûr qu'il y a plus de points que ça. Ça veut dire... Ouais, justement, je vais tourner mon regard vers Hugo en mode « Alors !» Je vais écouter, il s'agit de... Est-ce que ça me dit quelque chose? C'est une excellente question. Et c'est compliqué. Je réfléchis à la question. Et je pense que non. Non. Tu n'as pas la science infuse, Hugo. Ok. Tu es né trop jeune. Hein. Enfin, tu es né trop récemment. Si, c'est juste que je n'étais pas en vélo. Tu es né trop jeune. Tu es né trop jeune. Oui, une question par là. Est-ce que dans le lore des crimes, les, en fonction de différentes cultures, les crânes ont des significations particulières? C'est une excellente question. Il n'y a pas d'énorme d'écart entre l'interprétation des crânes. La plupart du temps, ça renvoie plus ou moins aux mêmes idées, tout simplement au corps humain, à la mort, à plein d'autres choses comme ça. Mais quand il y en a, c'est souvent plus local. Donc, ça, c'est sur des traverses qui sont soit un peu isolées, des trucs comme ça. Mais en soi, il y a ce truc sur la toile où même si tous les empires ont une culture qui leur est propre, etc., il y a quand même quelque chose d'assez commun en fait à tous, beaucoup plus que, encore une fois je fais ces petits parallèles, mais beaucoup plus que dans notre monde à nous où on peut vraiment avoir des énormes décalages d'une culture à l'autre. Là ici c'est plus sur la toile, il y a quand même une grosse base commune, comme la langue universelle par exemple, qui a réussi à survivre vraiment sur tous les surtout les empires de la toile, où voilà, il y a cette même langue et qu'il y a des infirmes variations. Bah, c'est pareil en fait pour les éléments culturels, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des infirmes variations, mais il y a quand même un gros bloc commun. Bien. Avez-vous d'autres questions Pas particulièrement. Si cela ne vous dérange pas, nous apprécierions de savoir s'il y a d'autres Baletti dans cette demeure et si nous pouvons parler avec votre petite dernière Delia. Oui, vous avez de la chance que tout le monde est là aujourd'hui. Pendant les tempêtes de Sanguine, nous avons tendance à nous retrouver à la demeure familiale, histoire de passer du temps enfermé ensemble et pouvoir se retrouver là où tout le reste de l'année, tout le monde va un peu à gauche à droite. Donc oui, ils sont tous là et je vous fais parler à ma fille si vous le souhaitez. Elle est jeune, hein, elle a encore ce côté un peu désinvolte. Ne lui en voulez pas, nous l'avons appris la bienséance, mais la jeunesse passe toujours un peu dans le caractère. On fait des folies quand on est jeune, de toute manière. C'est tout à fait vrai, c'est tout à fait vrai. C'est le moment où on regarde Esther. Si vous saviez, me dis-je tout bas. Il y a quatre persos qui d'un coup font « Si vous le savez. » Mais du coup, vous voyez qu'il se lève et va tout simplement chercher très rapidement la petite Delia, et très rapidement parce qu'en fait elle était juste à la porte, mise sur le côté et visiblement en train d'écouter la conversation. Et, le père est un peu surpris, mais pas tant que ça, et tout simplement l'encourage à vous rejoindre. Elle arrive à votre niveau et vous voyez qu'elle reste debout et vous observe un peu avec un regard un peu moins saoulé que d'habitude et un peu plus paniqué, sachant pas trop pourquoi vous voulez lui parler. Oui, monsieur la main levée. J'aimerais savoir si le fait que tu nous décrives qu'elle était derrière la porte Est-ce que nous, on est au courant, du coup, on a bien compris qu'il y a derrière la porte, ou c'était... En fait, si vous êtes concentré un tout petit peu sur les mouvements du père, ouais. Vu qu'en fait, il s'est arrêté à l'encadrement de la porte et qu'il lui a parlé directement en mode « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Oui. Après, si vraiment tu me dis que ton perso était très concentré à penser à autre chose, tu peux l'avoir raté. Mais normalement, tu vois ce qui se passe autour de toi, donc tu le comprends très facilement. Quoi. Ok. Ouais, du coup, une fois qu'elle s'assoit, je vais l'attaquer directement. Un coup d'épée. Je vais quand même l'attaquer directement, mais pas physiquement. Et je vais lui demander tout simplement est-ce que vous avez quelque chose à rajouter aux déclarations de votre père ? Non. Ma foi, il est très élogieux et très correct sur ma sœur. Elle a l'air sincère ou pas quand elle dit ça, ou la présence du père a l'air de l'intimider ? Le père, d'ailleurs, commence à s'en aller. Hein. Il surveille pas spécialement, mais malgré tout... c'est un peu particulier, elle a, tu sais, dans son attention, dans sa façon de comporter, un côté un peu toujours désinvolte, même si beaucoup plus restreint que quand elle s'adressait à sa grand-mère, que là quand elle s'adresse à vous. Il semble vrai que l'uniforme l'inquiète un peu plus. Et du coup, il y a quelque chose qui dénote un peu dans sa façon de parler, mais tu saurais pas trop dire si c'est juste le stress en fait de parler des métropolites, ou est-ce que c'est parce que ça cache quelque chose derrière. Oui, il est élogieux, respectueux, évidemment, mais ça, c'est pas ce qui nous intéresse. Est-ce que vous connaissiez bien, ou en tout cas, est-ce que vous étiez proche de votre sœur ? Oui, évidemment, j'ai grandi avec elle et... Oui, elle a toujours été là pour moi quand j'étais petite. Bon, malheureusement, j'aurais préféré qu'elle le soit encore, mais... c'est-à-dire, j'ai avoir un peu du mal d'en parler plus profondément, parce que quand j'étais en âge de comprendre un peu plus les choses de la vie, elle ne l'était plus. Maintenant que vous êtes en âge de comprendre un peu plus les choses de la vie, comme vous dites, est-ce que vous n'auriez pas eu, par le plus grand des hasards, parfois des questionnements, des éléments qui vous auraient amené à questionner ce qui serait arrivé à votre sœur, ou peut-être des traces peut-être de sa présence ? Des traces de sa présence ? C'est-à-dire ? De son fantôme, pour ainsi dire. Non, à vrai dire, sa disparition a été un choc pour tous, et j'ai les mêmes interrogations que tout le monde. Faut dire que c'est un sujet qui revient assez facilement pendant les repas de famille. Et... Oui, on se pose des questions sur ce médecin qu'on n'arrive toujours pas à retrouver, et pourtant, Dieu sait que Père a mis énormément d'argent en jeu pour essayer. On sait que on aimerait comprendre pourquoi tout a été fait si vite, sans aucun accord, mais moi je suis ça, et malheureusement je reste impuissante. D'ailleurs, est-ce que vous sauriez pas, par hasard, si ce n'est pas ce fameux Baudard qui avait contacté ce légiste-là, et qui aurait eu fait affaire, lui, directement à ce légiste, contrairement au reste de la famille? C'est Baudard qui est en contact. Elena ne sortant plus, c'était Baudard qui s'occupait des courses pour elle, et donc quand elle a demandé de trouver un médecin, c'est Baudard qui l'a trouvé. Et vous, contrairement à votre père, par hasard, vous ne sauriez pas où on peut trouver ce Baudard ? Non, je suis désolé. Je crois que Agnès avait eu des traces de lui, mais... vous savez, Agnès est ma sœur. Elle est avocat dualiste et donc je crois que pour une affaire, elle rentre en contact et si je dis pas de bêtises, elle saura peut-être. Mais moi, non. Ok. Et vous, ce masque ne vous dit rien ? Tu lui montres le masque, tu vois qu'elle a aucune réaction sur son visage. Mais vraiment, quoi, genre juste elle le regarde et puis hausse un peu les sourcils. Non, je crois pas, je devrais ? Non, absolument pas. Bien, alors un bon point. Avez-vous terminé ou... J'ai cru comprendre que vous étiez musicienne. C'est cela, oui. C'est cela. Une bonne musicienne ? Il faut croire que oui, je m'en sors bien à l'université et je sais déjà que, contrairement à beaucoup, moi je n'aurai pas d'années à effectuer pour la loge de la musique. Loge à notes. Pour expliquer rapidement comment ça fonctionne, ça c'est le MJ qui parle, c'est parce qu'en fait le système universitaire dans ICRIM, en fait c'est, les écoles sont entre guillemets gratuites mais elles sont payantes et en fait soit tu as l'argent de payer immédiatement, soit en fait tu payes en année de métier que tu vas faire pour la loge. Donc c'est à dire que ils te forment pendant 5 ans et en fait pendant 5 ans tu es obligé de bosser pour eux et tu rentres à faire ce que eux ils veulent. Voilà. C'est le système universitaire dans ICRIM. On reprend. Ok. Est-ce que, avec ce talent incroyable, vous vous y connaîtriez en ce qui est des musiques lacrymonistes ou la technique Scodatula ? À vrai dire, ce n'est pas vraiment ce qu'on apprend à notre école, mais je mentirais si je disais que je ne connaissais pas ça de mes propres envies. Il y a quelque chose que j'aimerais que vous écoutiez pour nous. Malheureusement, nous ne l'avons pas sur nous actuellement. Est-ce que cela vous dérangerait de venir à tel jour, telle heure, au QG Indigo Telle adresse. À telle adresse. Oui, ma foi, si vous me le demandez, je ne peux le refuser. Et puis, si ce n'est qu'une écoute, il ne devrait pas avoir de problème à cela. Au plaisir de vous revoir alors. Tout de même. Là par exemple, Esther, tu détectes que son tout de même n'était pas du tout sincère. D'accord. Je dis rien pour pas vexer Cornelio. Pardon. Et oui, du coup, tu vas s'attaquer à sa sœur maintenant. Ok. Toujours l'épée. Ouais. Vous lui demandez du coup de ramener Agnès et simplement quelques minutes après elle se présente à vous et pareil il y a ce même air dans la famille hein, depuis la grand-mère, même si la grand-mère bon bah là c'est âgé, ça commence à disparaître, mais de voir le père et deux sœurs comme ça d'affilée, vous voyez qu'il y a toujours ce même trait de visage, quelque chose de... Il y a quelque chose de très droit, très un peu visage parfait dans la famille Baletti. Et pareil, c'est une femme avec une carrure vraiment assez carrée pour le coup et une longue chevelure noire. Elle s'assoit, finit le café froid qu'avait laissé son père et tout simplement se montre disponible à la discussion. Messieurs. Bonjour, enchanté. Nous aurions quelques questions à vous poser sur le cas donc de votre sœur, Elena, dont en particulier sur son majordome, Monsieur Baudard, où nous avons cru comprendre que, contrairement au reste de la famille, vous aviez pu rester très faiblement en contact, en tout cas que vous aviez eu écho de ce qu'il avait fait du reste de sa vie. Tout à fait, tout à fait. C'est le cas. Monsieur Baudard était le majordome d'Elena et j'ai dû travailler tout simplement pour l'homme qui... C'est un peu étrange que Monsieur Baudard ne travaille pas pour lui, mais loge dans la même maison et toujours au service, mais officiellement, il n'y a rien qui lie les deux hommes, mais j'ai dû, du coup, on peut le dire, travailler pour son maître, bien qu'encore une fois, il n'y a aucun vraiment lien subordonné entre les deux. Mmh. Et il serait... Ah oui, vous voulez le nom... Oui, tout à fait. Je reviens à vous. Je fouille dans ma mémoire. Monsieur Frosé Divento. Tout à fait, Monsieur Frosé Divento. Non, oui, c'est ça. C'est, il s'agit de Monsieur De Cuivre. Mmh. Qui travaille dans quoi, pourquoi, quel est son statut ? Oh, Monsieur De Vivre est un noble qui possède des choses très intéressantes à Venise, mais il a une maladie qui le rend incapacitant au fur et à mesure des années, et maintenant il n'est plus au fur et à mesure de mener à bien ses missions, et je pense que c'est là que l'aide notre ami Monsieur Baudard, mais... En dehors de ça, vous allez vous prêter à le voir de vos propres yeux, mais malheureusement, il n'est plus vraiment très actif et nous pensons qu'il mais c'est maintenant peu de temps avant qu'il finisse dans les crimes. Très bien, très bien. Est-ce que vous auriez, par le plus grand des hasards, des remarques, des questionnements sur ce qui est arrivé à votre sœur, sur peut-être... Vous avez peut-être des choses à avancer ? Malheureusement, rien de plus que... Je pense que tout le monde vous a déjà dit. Il y avait quelque chose d'étrange. Moi, ce qui me perturbait au plus haut point, c'est que... les choses allaient extrêmement vite dans l'information. Mais à un point, la ville était au courant de l'état de ma sœur avant même nous, à l'époque. Et c'est quelque chose qui faisait beaucoup souffrir notre père. Et c'est quelque chose qu'on n'a jamais réussi à expliquer de pourquoi... toute la ville parlait de l'état d'Elena avant que même nous sachions ce qu'il en était. Effectivement, c'est plutôt regrettable et troublant. Oui, merci. Juste une question, comme ça, après... est-ce que le nom de Zanetti vous dit quelque chose ? Asinetti, pardon. Non, c'était juste une question, jamais. Qu'en est-il de Rudolf Klimt, le baron de la condamne de la photographie? Je ne l'ai jamais rencontré personnellement. Je connais juste de réputation. Je sais qui gère le concern de la photographie, comme vous venez de le dire, mais je n'ai jamais eu de contact avec ce monsieur. Personne ici n'en a eu ? À votre connaissance ? Pas de souvenir. Faut dire que la photographie n'est pas encore dans la famille, quelque chose d'installé. Ma famille a ce côté-là un peu étrange d'être un peu réactionnaire vis-à-vis des nouveaux arts et pourtant très ouvert d'esprit que dans ceux où ils sont déjà installés. Je ne sais pas, je ne partage pas la même fibre artistique, mais... Parce que vous considérez que la photographie, c'est un art ? C'est intéressant. Eh bien, c'est ce pourquoi milite le concerne de la photographie. Et vous entendrez à merveille avec ma famille. Moi, je pense que ça ne ferait rien de mal de le reconnaître en tant que tel, mais je comprends toutes les positions. Très bien. Je ne pense pas avoir plus de questions que ça. Mis à part peut-être, est-ce que vous avez déjà vu ce masque ? Mais je ne pense que non. Évidemment, la réponse sera non. Est-ce que vous connaissez B ? B. Eh bien alors, si mes collègues n'ont pas plus de pistes que ça, je pense qu'on en a peut-être terminé avec les Baletti pour le moment. Je suis d'accord. Très bien. Eh bien, vous voyez que elle se lève et tout simplement, avant de partir, vous demande si vous souhaitez voir son frère, le dernier de la famille, et si vous pensez en avoir terminé, vous pouvez répondre juste non, et elle vous l'accorde, et disant qu'il restera disponible si besoin. Il a quel âge et il fait quoi ? ça passe en interrogatoire. Ah, il a 12 ans et il est doge. Quoi ? Non. Il a 23 ans et c'est un acteur de théâtre. Oh, je veux le voir. Ah. Bah, tu vois que alors que tout le monde commençait à dire non, toi tu fais si, je veux le voir. Donc, du coup, elle va appeler son frère qui arrive aussi très rapidement et. Pour le coup, voilà, le portrait craché de son père, là, sans le côté un peu délaissé de cette barbe de drue, etc., mais juste vraiment bien coiffé, quelqu'un de bien taillé, toujours un visage un peu trop parfait, et qui s'approche de vous salue tous un à un, et puis, sans même s'asseoir, vous demande quelle est la raison pour laquelle vous voulez lui parler. Vous êtes en théâtre, n'est-ce pas ? Bien ma foi, oui, c'est cela. Est-ce que et vous êtes comédienne ou ce masque de théâtre vous dit quelque chose ? Vous écoutez pas de mon, il fait de la parlotte. tu vois qu'il a vraiment un rire qui sort, tu sais, qu'il arrive à ouvrir. Très bien, je vois que vous commencez à être pressé. Ce masque. laissez-moi réfléchir. Je ne crois pas, pas en état en tout cas, mais peut-être avec je pourrais si vous voulez. Des couleurs, des. Oh oui. Peut-être une vieillerie que j'ai déjà vue traîner, mais il me semble différent. C'était pas la même forme. Non, c'est. Vous avez vu traîner où ? Tout simplement au théâtre vénitien. Je fais partie de la troupe officielle et là-bas il y a tout simplement des costumes et des décors qui sont là depuis maintenant bien avant l'arrivée de ma grand-mère dans ce monde. Et je sais que dans les très vieux costumes j'ai cru voir ce genre de masque, mais comme dit, même la forme du crâne en fait finalement était différente en revoyant un peu dans ma mémoire. C'est finalement, le seul point commun, c'est qu'il y a un crâne qui compose, mais il était moins marqué, il était plus en dessus du masque. Celui-là, il pose vraiment les formes d'un crâne. Très bien. Je n'ai pas de questions pour vous, autre que ça. Eh bien, parfait. Économisons. Et juste, s'il est possible de repasser, juste voir la grand-mère et lui montrer le masque, ce serait très bien. Ouais. Quitte à lui faire une crise cardiaque. Tu lui montres le masque et puis elle s'effondre au sol en me disant oh mon dieu, c'est le procédimento. Non, honnêtement, quand tu vas le revoir, tu vas lui montrer le masque et la même chose. Elle, ce masque ne lui dit rien, mais bon, elle a ce. Ah, ce truc, non, ça ne lui parle pas. D'accord. Eh bien, on se casse. Très bien. Vous décidez de partir. Et je vais vous poser du coup la simple question. Que comptez-vous faire? Sachant que vous passez quand même une bonne demi-journée en gros à la famille sur le temps de discuter avec tout le monde, etc. Ça a pris un certain temps. Et du coup, la question, c'est bah, simplement, que décidez-vous de faire en sortant de là? Est-ce que vous avez un plan? Est-ce que vous voulez juste discuter? Dites-moi tout. Ah, il faut... Clairement, il faut retrouver le majordome, quoi. Et c'est donc, la... Julie. C'est... Ouais. C'est... Mais ça, c'est Baudard. Hein. Faut qu'on trouve Agnès. Quoi? Pourquoi Agnès? On vient de lui parler. Ah, merde. Oui, non, vous avez raison, je suis con. Non, faut qu'on trouve ce mot d'art. D'une manière ou d'une autre. Ouais, on sait au moins qu'il y a... Pour trouver ce mot d'art, il faut qu'on trouve le monsieur de cuir. Qu'ils vivent ensemble. Ouais. On sait déjà que c'est en ville. On n'a pas besoin de... Ouais. Alors, moi, ce que je vous propose de faire, c'est que vous allez vous en occuper. C'est votre affaire maintenant. Bon, je reviens après. J'ai peut-être juste un petit tour à faire quelque part pendant que vous cherchez où se trouve ce monsieur de cuivre. Ce monsieur de cuivre ? Ouais, oui. Pour vous rappeler, donc, on nous a appris que monsieur de cuivre, qui est donc un vieux noble incapable de bouger plus que ça et qui attend de mourir, a engagé, pas de manière officielle, mais plus ou moins, notre monsieur Baudard comme serviteur, enfin comme aide, comme auxiliaire de vie. Et ils vivent ensemble à présent. Ok, alors moi ce que je vais faire, c'est que je vais pour cela aller à la rencontre d'une amie. Du coup, qui sera peut-être me renseigner, vu que elle nous en doit une, puisque ce n'est autre que Erwana, vu qu'elle fait partie des maisons d'Elatilio. Tu sais, la demoiselle qu'on a aidée, que ça t'a fait plaisir. Ouais. Et je vais essayer de voir avec elle si elle n'aurait pas des renseignements sur ce monsieur. Ok. Pour ce faire, j'ai envie de savoir du coup, Cornelius, ce que tu as envie de faire pour savoir comment je traite l'ordre des informations. Eh bien, moi, je veux aller voir quelqu'un. Je ne sais pas si je dois aller vers... Je dirais directement Oleg, mais j'irai bien voir mon compagnon Oleg. Pour aller lui demander un peu des questions sur en rapport avec certaines activités que son groupe pratique. Ok. On va commencer du coup par le groupe qui va aller voir Erwan. Si mes souvenirs des prénoms est bon. C'est ça. Ok, parfait. Ouais, est-ce que les autres viennent avec moi? Parce que j'ai dit que j'y allais, mais... Ah oui. Est-ce que Hugo et Esther, vous venez avec moi? Non, carrément. Ok. Bah, c'est vrai que si jamais ta piste soit bonne, autant que tout le monde soit à l'inverse. Vous vous dirigez du coup vers la maison d'Elatilio, la fameuse maison, qui, je vous rappelle, est construite sur la toute première construction qui a construit Venise au fur et à mesure des années. Donc, en plus de ça, qui a le mérite d'avoir un jardin, enfin, vraiment quelque chose qui sort de l'ordinaire, mais comme jamais. C'est-à-dire que, encore une fois, là, on va pouvoir recomparer, mais quand vous arrivez devant cette énorme maison, vous avez l'impression de voir quelque chose en fait, qui sort d'un temps que vous n'avez jamais connu, comparé à la maison, par exemple, des Baletti, qui reste quelque chose de très moderne. Bref, vous y rendez, vous sonnez. Vous arrivez dans la demeure, vous remarquez que cette fois, le jardin, d'ailleurs, n'est pas fermé par les énormes grilles comme la première fois. Vous pouvez donc directement vous rendre à la maison. À la maison, vous toquez grâce au hortoir, et quelqu'un vient vous ouvrir la porte. Cette personne, vous la reconnaissez à ses cheveux roux, à sa très petite taille, puisqu'il s'agit d'Eléa, la fille hein, d'Erwana, pour rappel. Elle ouvre la porte et quand elle vous voit, vous voyez qu'elle vous fait un énorme sourire. « Oh, vous êtes les métropolis de la dernière fois, bonjour !»« Bonjour Eléa, comment vas-tu ? » ?»« Ça va, merci. » »« Bon, tu as été sage depuis qu'on est parti, j'espère. » »« Très très sage. » »« Parce que c'est pour toi, bien. » Est-ce que tu fais vraiment la blague ? Non. Ça pourrait... Du coup, je la regarde et je me dis, est-ce que ta mère est là? Oui, tout à fait. Est-ce que on pourrait... Ah oui, vous voulez que j'aille la chercher? Ok, venez. Okay. Alors, on rentre. Et vous voyez qu'elle part en courant. Tout énergique, hein, ça change un peu de la première fois où vous l'avez vu, où il y avait un décès très récent qui influait la famille. Elle est vraiment toute énergique et va chercher tout simplement sa mère qui apparaît très rapidement. Et vous retrouvez un peu dans le salon où vous avez fait les fameux interrogatoires une personne pour les séparer. Et tout simplement, bah, Erwana se présente à vous. Oh, bonjour. Je ne m'attendais pas à vous revoir de si tôt. J'espère que il n'y a pas arrivé malheur aux autres membres de ma famille. Non, ne t'inquiète pas, tout va bien. Nous voulions justement te poser quelques questions. Nous sommes sur une enquête et peut-être pourrais-tu nous renseigner. Peut-être Syriac est-il toujours ici ou pas? Syriac vient de prendre sa retraite. D'accord. Il passe toujours en ami, à vrai dire, et il est ici quasiment tous les jours, mais il ne travaille plus pour nous. Et après le dernier service qu'il nous a rendu, il a bien mérité. C'est vrai. En fait, si nous sommes là, c'est pour savoir si tu saurais où on pourrait trouver un certain. Alors. Il l'a appelé comment de cuivre. De cuivre. Oui, de cuivre. Oui, tout à fait. Il s'agit d'une personnalité qui était, il y a encore 5 ans de ça, très influente à Venise. Aujourd'hui, seul son nom est resté. C'est un peu tapis sous l'ombre. Quoi. Apparemment, il a eu des soucis de santé. Il a la même demeure qui se transmet de génération en génération. Alors lui n'a pas de descendance, donc oui. Elle changera bientôt de nom. Mais aujourd'hui, la maison de cuivre est facilement trouvable à Venise. D'accord. Vous la cherchez, oui. Oui, si vous la cherchez, elle se situe tout au nord de Venise, vraiment. Elle est étrangement côtière, adjacente au mur de la ville. Ouais. Alors, il ne se situe pas, bien entendu, dans les petits îlots de ville un peu, ma foi, moins bien lotis que nous, mais vraiment aux frontières des murs de la ville. Il se situe juste là. Il a un petit îlot de terre qui lui appartient et vous pouvez y accéder très facilement à partir de Venise même. Vous n'avez même pas besoin de traverser la porte. Ah d'accord, en tout cas je te remercie, c'est très, très sympa de ta part de nous renseigner là-dessus. Sinon comment ça se passe pour toi, pour la famille depuis cette affaire? Ça se passe plutôt bien, disons que je vis maintenant seul ici et mes frères, comme ils l'ont souhaité, mon frère et son copain, excuse-moi, comme ils l'ont souhaité, sont partis de Venise il y a peu de temps, histoire de voyager. Alors pour l'instant, il ne part pas très loin. L'heure qu'il est, il doit être encore sur les traverses, même pas avoir atteint la première jonction. Mais ils veulent faire un premier petit trajet de quelques mois avant de revenir et voir si la vie de Bohème leur plaît tant. D'accord, bah c'est très bien, c'est très bien. Je regarde les autres, hein, savoir si ils ont quelque chose à demander à Erwana ou pas, ou s'ils sont juste muets. Moi, c'est bon. Eh bien, en tout cas, je te remercie pour cette information. On reviendra te voir à l'occasion, hein, t'inquiète pas, pas pour des soucis de meurtre ou quoi. Occupe-toi bien des Léa et puis plein de bonnes choses. Eh bien, ma foi, tout pareil pour vous, n'hésitez pas, hein. Vous savez que les portes de ma maison vous sont toujours ouvertes. Merci à toi. Et puis, bah, à la prochaine. Elle vous raccompagne jusqu'à la sortie. Et tout simplement, on vous laisse partir. Et on va aller dans la direction. Je suppose que vous avez donné un rendez-vous à Kornilov pour pouvoir le retrouver si jamais vous avez eu l'homme d'information. Ouais, bah après, on peut très bien se retrouver au QG ou à une certaine heure. Et puis, voilà quoi. Je veux dire, c'est le plus logique. Ok. Donc on considère, du coup, vous allez au QG retrouver Kornilov quand lui reviendra et après vous allez là-bas. Voilà, c'est ça. Ok. Eh bien, passons à Kornilov. Kornilov, quant à toi, tu as profité de tout ce temps, hein, parce qu'il y a aussi le temps de trajet pour qu'ils aillent jusqu'à la maison, tout ça, donc tu as aussi un énorme temps de trajet, pour le coup, tu as énormément de temps pour traverser ça, au point où tu sais, tu ne seras pas rentré avant la nuit, et le reste de l'enquête sera obligatoirement faite le lendemain. Quoi qu'il en soit, tu te diriges pour parler à Oleg, je suppose, soit au bar du Roller, soit directement à la distillerie, je ne sais pas ce que tu préfères... Là où je sais que je peux le trouver le plus directement. Alors, ouais, ça sera plutôt à distillerie, parce que tu sais qu'il y a son bureau. T'as plus de chances en probabilité de le trouver là qu'au bar, même si des fois il y est. Tu te rends du coup vers ce petit lieu, hein, on rappelle, que vous avez découvert grâce à une petite mission que vous avez confiée à l'époque avant d'être métropolite. Et depuis, les choses n'ont pas tant changé, si ce n'est que maintenant, quand tu rentres dans cette petite rue et que l'homme qui est pile devant l'entrée de la distillerie, au mieux de continuer à faire mur pour t'empêcher de passer, se décale directement dès qu'il te voit de loin. Il te salue grandement. Kornilov, j'espère que ça va. Tu peux répondre juste rapidement et tu continues ta marche sans même t'attarder. C'est juste une salutation de base. Descends dans la distillerie, traverse les salles. Pour arriver jusqu'au bureau d'Oleg. J'aimerais juste préciser quelque chose, enfin poser d'abord une question, mais c'est est-ce qu'il a été possible du moment où on s'est séparé et tout ça, de passer par le QG et de récupérer de ces fameux Radilanské dont on avait pris un peu et de les amener avec moi. Alors, tout à fait, parce que je te l'accorde, parce que vous êtes en haute ville, il faut descendre, et du coup, tu passes par le QG, parce que je rappelle, le QG est en mi-ville, et sachant que là, vous étiez vraiment au centre, et du coup, voilà, tu as un sud, tu es sur le même axe, donc tout va bien. Du coup, oui, tu peux passer par le QG, ça te prend pas plus de temps que ça, ça te fait un petit détour, mais honnêtement, quand tu as autant de trajets, ça change pas tant que ça. Donc, tu as pris Radis selon ce qu'est avec toi. Très bien. Et je te laisse du coup rentrer dans son bureau. Ok. Et du coup, je rentre. Il a l'air d'être en train de travailler. Il fait quelque chose. Comme à chaque fois que tu rentres, oui, il a l'air d'être en train de travailler. Toujours sur des documents, essayer de gérer 2-3 trucs, etc. Tu n'as jamais compris vraiment ce qu'il faisait. Mais une chose est sûre, c'est qu'il est concentré toujours avant de te voir. Et dès qu'il te voit, il y a cet énorme sourire. Oh, Kornilov. Oleg. Ah, quel plaisir de te voir. Ah bah ça va très très bien, les affaires tournent. Parfait. Avant toute chose, j'ai quelque chose pour toi. Ouais. Alors, je sais que ça doit pas être grand-chose, parce que tu dois avoir les moyens de t'en offrir souvent, mais voilà quelque chose qui vient de la région, de chez nous. Et, je et tu vois, quand tu montes les radis, il a des étoiles dans les yeux, en mode « Oh, c'est pas vrai, ça fait super longtemps que j'en ai pas mangé, je te jure, merci beaucoup. Ah ouais, assis-toi, je te sers à boire. » J'obéis, bien entendu. Il sort de verre, il les sert vraiment à ras-bord, et il pose les radis sur le côté de son bureau, tout content de lui. Tu vois qu'il est sincèrement touché. Ah, yes. Alors, Cornuave, qu'est-ce qui t'amène ? Je vais pas te mentir, je dois t'avouer que j'ai... Si tu pouvais m'aider sur quelque chose, juste en me donnant quelques informations, pas besoin d'aller chercher par-ci, par-là. Mais j'aurais ouais. des questions sur... Je sais pas si ça touche vraiment à ton domaine, mais est-ce que, d'après ce que tu sais, est-ce que ça se fait souvent des gens qui disons... fausse une mort pour disparaître et en particulier des morts qui seraient liées avec alors, cette maladie dont je n'ai toujours pas le nom, la sepsie, c'est bien ça, la phtisie. C'est particulier. Bon, tu sais que nous, on a tendance à travailler pour ne pas garder les gens en vie. Oui. Après, on va pas se mentir, c'est un métier qui est toujours pas aussi, enfin, un peu injustement mal vu, étant donné que nous tuons que des gens qui ont cette culpabilité dans les yeux au moment de passer à l'acte. C'est comme on dit souvent, si le ministère nous en voudrait vraiment, ça ferait bien longtemps qu'ils auraient réussi à nous trouver. Ça les arrange un peu qu'on retire quelques éléments dérangeants de la société. Quoi qu'il en soit, pour répondre à ta question, ça nous est déjà arrivé de travailler en collaboration pour une ou deux personnes qui essayent de disparaître et qui passent notamment par ça, par tromper la mort. Mais honnêtement, c'est assez rare et en vrai. C'est même pas si utile que ça, hein. La plupart du temps, les gens qu'ils demandent sont des gens qui ont vraiment des cas très particuliers. Est-ce que si tu veux disparaître, quitte Venise, personne ne te retrouvera jamais. La toile est bien trop grande et on n'a pas assez de réseau pour connaître tout ce qui se passe dans toutes les villes ou toutes les jonctions. Non. Ouais, moi, le seul cas que j'ai connu, c'était un architecte, je crois, et simple. Il n'avait aucun temps devant Venise, et s'il quittait, il aurait été pourchassé, tout le monde le connaissait, tout le monde connaissait son nom, donc forcément, il est passé par là, mais je crois même qu'il se l'a fini par se faire repérer. Je me souviens plus comment ça a fini, mais... Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Mais oui, ça, du coup, pour répondre à la question, maintenant que j'y réfléchis, ouais, ça peut se faire. Ouais. D'accord. Ce qui m'intéresserait surtout, c'est avec le cas de la phtisie. Est-ce que tu connaîtrais pas, toi ou un de tes contacts, hommes engagés, employés, je sais pas, un poison ou un produit qui pourrait simuler ce genre de maladie-là ? Je suis pas expert là-dedans, je pourrais te donner un... Ah mais subalterne qui est spécialisé au poison, mais moi en tout cas ça me parle pas. Okay. Non plus je comprends pas pourquoi simulatiser qu'une maladie vraiment pour le coup particulière, alors qu'il y a d'autres maladies mortelles qui seraient plus faciles à simuler qu'une maladie qui a un symptôme physique, ce genre de choses. Oui, et je suis dans une histoire assez particulière, je dois l'avouer. Comme d'habitude, Cornio, je crois que je t'ai jamais connu sans être dans une histoire particulière. Bon, eh bien, en effet, ouais. Si tu peux me mettre en contact donc avec ce gars-là, ça m'arrange. Bien sûr, bien sûr. cherche Lucy. Tu la trouveras facilement dans la ville. Pour la trouver, tu as plusieurs méthodes. Elle travaille énormément dans les bars à jeux. Si jamais, sinon va au bar du Hurleur, on te donnera sa position quasiment en direct, sauf si elle se met à bouger. D'accord. Merci beaucoup. Pour avoir l'occasion. Eh bien, merci beaucoup et... Quand tu me connais, je suis un peu pressé. Je le sais bien, Kornilov, comme d'habitude. Mais la prochaine fois qu'on se trouve, enfin qu'on se retrouve, je te promets que ce que je t'offrirai sera cuisiné par moi. Et je peux te dire que je m'y connais plus. Ouais, de toute façon, honnêtement, je vais pas te mentir, je pense que la prochaine fois, c'est peut-être moi qui finira par demander un service. Ça finira bien par arriver, oui. Tu vois qu'il est esclave de rien. Et te salue sans prendre mal le fait que tu passes un coup de vent. Tu l'as assez habitué à ça. Ok. Très bien. Et bien donc je m'en vais aussi. Parfait. Cornillon, du coup, tu vas devoir retourner au QG. Alors, est-ce que tu fais le détour du coup par le bar du Hurleur qui t'a rentré du coup plus tard? Ouais, si ce n'est que pour avoir sa location le lendemain, peut-être un truc comme ça. Si je peux passer par là, ouais. Ok. Donc sur le retour, tu passeras par là et on te donnera très rapidement sa location. Ça te permettra de croiser aussi Rolando, qui t'allura vraiment content de te voir. Je ne sais pas si tu seras réciproque maintenant. Oh, bien entendu. Et ok, c'est parfait. Et du coup, voilà, il te salue, tu demandes l'information, on va te la donner, je te la retransmettrai après. Là, je ne l'ai pas sous les yeux, mais okay. Vu qu'on fait ça en mode rapide pour la fin, je te donnerai l'information, je pense, juste après la fin de session en écrit. Quoi qu'il en soit, du coup, tu retournes au QG Indigo. Le QG Indigo, hein, pour le coup, vous allez tous vous retrouver du coup, en pleine nuit, et comme d'habitude, vous allez devoir y passer la nuit, ça commence à vraiment devenir une habitude. Ah oui, d'ailleurs, je n'ai pas indiqué, mais toi, Cornelov, comme en plus tu as fait le trajet d'en bas en haut, tu te pris vraiment la tempête en plein face. Hein. Donc honnêtement, quand toi tu vas rentrer, tu vas être fatigué, parce que c'est épuisant en fait de marcher sous un vent énorme avec une énorme chaleur et une pluie qui te détruit littéralement tout ce qui est vestimentaire. Et donc vous allez pouvoir tous vous y reposer. Je voulais savoir si quelqu'un veut profiter du soir pour faire quelque chose, pour partager une pensée, enfin n'importe quoi, juste pour faire passer cette nuit. Quelqu'un qui a réfléchi à quelque chose, qui a envie de du coup faire une petite réflexion à voix haute, partager entre guillemets. Kornilov, je pense que ce serait peut-être la bonne occasion pour nous faire tes radis. Des radis, quel radis? Les radis que je t'ai ramenés, là. T'as dit que tu allais nous les préparer à la lance-caisse, mais à la traversée, enfin, à travers lance-caisse, quoi. Mm-hmm. Ouais, ça pourrait se faire. Par contre, ça demande quand même un certain temps. Ça demande de la concentration. Et tu vois bien que là, je montre mes habits, vu que je viens à peine de rentrer. C'est bien que je suis pas en état de travailler là-dessus. Si vous voulez, je vous fais de la mousse. Mais ce sera pour une autre fois. Écoute, demain alors. On peut faire ça demain, si on a le temps. Ok, ok, d'accord. Et je vais leur faire de la mousse. Vous allez devoir vous reposer cette nuit. Vous allez passer plutôt pour tous une agréable nuit, pour être honnête. Il y a cet effet un peu de sanguine où les fraîcheurs de nuit, où il fait quand même chaud, vous soulagent. D'ailleurs, honnêtement, je pense que vous dormez là, vraiment la porte ouverte. Hein. Vous êtes de toute façon au 8e étage, si mes souvenirs sont bons, ou si c'est pas le 8e, le 7e, et, parce que je sais, vous êtes en 3 étages. Donc bon, je veux dire, si quelqu'un veut venir chez vous, vous l'entendrez arriver. Pour l'instant, la seule effraction qui a eu lieu, c'est quand vous n'étiez pas là. Même si, bon, si... Il faut s'y habituer, mais c'est vrai qu'en sanguine, on a tendance à dormir à la fenêtre ouverte, déjà parce que la pluie a tendance à ne pas rentrer, parce qu'elle tombe juste au niveau du seuil de la porte, et que ça fait un courant d'air qui permet de s'endormir agréablement, là où sinon vous mourrez de chaud toute la nuit. Le lendemain donc, au réveil, après un petit déjeuner, une jolie mousse cuisinée par Kornilov comme promis la veille, vous vous préparez du coup à trouver du coup la maison de ce monsieur de cuivre. Est-ce que vous avez une dernière chose à partager avant de partir ? Non, bah après, comme je t'en ai parlé, Kornilov, Hermana nous a indiqué l'adresse, le lieu de où se situait la maison de cuivre. Écoutez, maintenant, je pense que on peut y aller.